un communiqué que nous transmettrons par mail à tous. Chers collègues, nous avons dans ce pays un gros problème. Et c'est un paradoxe. C'est cette volonté gouvernementale, ce sont ces volontés institutionnelles de faire taire les personnes qui se battent pour un avenir meilleur et qui réclament des meilleures conditions de travail. Rappelez-vous, il y a exactement 2 ans, un mouvement social historique au sein du Rouvray s'était créé pour réclamer 30 postes supplémentaires. Il a fallu une grève de la faim de 18 jours pour déboucher un accord signé par la précédente direction et l'ARS. 2 ans après, le compte n'y est toujours pas, car soi-disant la direction ne parvient pas à recruter. La raison? Le directeur a une explication à cela. Notre mouvement social de 2018 a terni l'image de l'hôpital. Aujourd'hui, alors que nous traversons une crise, une grave crise sanitaire, la gestion des moyens a de nouveau été catastrophique. Tellement catastrophique que des directives ont été publiées. Nous demandons de faire sécher nos masques afin de les réutiliser le lendemain et en interdisant aux patients d'en porter. Encore une fois, nous, professionnels de la santé, avons dénoncé ces pratiques en diffusant sur les réseaux sociaux ces recommandations émanant de la direction à convoquer des agents à des entretiens disciplinaires. Effectivement, monsieur le directeur, le Rouvray n'attire pas les agents, n'attire pas les professionnels de la santé. Car vous, monsieur le directeur, vous les faites fuir. Nous n'avons jamais perdu autant d'agents de toute catégorie socio-professionnelle depuis que votre arrivée. Vous les faites fuir. Vous les chassez par le biais de mobilité forcée, de menaces, de répression et de sanctions. Et nous tous ici présents, soyons fiers des combats que nous avons menés. Restons forts et unis, car ces luttes ne sont pas terminées, bien au contraire. Ne nous laissons pas intimider. Ne nous taisons jamais. C'est notre devoir en tant que citoyens de dénoncer ces pratiques inhumaines et délétères. De nouveau, nous fédérons. Montrons-leur que nous n'avons pas peur d'exprimer nos valeurs, qui font la force de notre hôpital. Merci à tous, merci au Havre d'être venus. Merci à la population. Et merci à tous les agents. Ne lâchons rien.